Audiomatique. En levée de rideau à Audiomatique, nous vous présentions l'artiste anglais Clifford Joseph Price, ou si vous préférez, Goldie, avec sa composition Chemistry de son premier album Timeless, paru en 1995. Timeless fut un des premiers albums dans le genre drum and bass à percer la culture de masse. Les électronistes vous accueillent aujourd'hui pour la transmission 133 d'Audiomatique, laquelle englobera notre sélection musicale de la semaine, nos trouvailles et aussi quelques nouveautés au sein du registre de la musique électronique dans son sens le plus large. Et parmi ces nouveautés, entendons à l'instant la formation Adult et la pièce We Are a Mirror qui met à contribution le chanteur Douglas McCarthy. Communication. joy, exterminate, murder, destroy, and in the name of the Almighty, happily butcher your enemy. Yeah. Nous venons d'entendre le projet Das Ding et sa pièce A Dark Place, composée en 1985 pour l'album Authentic Fiction, sorti uniquement en cassette à l'époque. Les électronistes ont toutefois accédé à cette pièce grâce à l'album HSTA, sorti en 2009 et qui regroupe les anciennes compositions de Das Ding réalisées entre 1982 et 1985. Avant cela, c'était la formation Underviewer, menée par les Belges Jean-Luc Demeyer et Patrick Codenis, bien connus grâce au groupe Front 242. Underviewer, c'est leur projet qui a précédé Front 242 au début des années 1980 et tout récemment, ils ont rendu accessible leur création de cette époque sur l'album Wonders and Monsters, duquel nous écoutions la pièce I Am the Rain de Underviewer, donc. Et pour débuter cette séquence musicale, c'était le couple qui forme le duo Adult et une pièce de leur tout nouvel album Detroit House Guest, dont le concept créatif fut d'inviter divers artistes en résidence dans leur demeure de Détroit pour créer des compositions collaboratives. Pour la pièce que nous avons écoutée, qui s'intitule We Are a Mirror, c'est le chanteur de la formation Nidzer Ebb, soit Douglas McCarthy, qui fut invité à collaborer par les membres d'Adult. À Audiomatic, les électronistes enchaînent avec une pièce de l'artiste anglais Jamie Alexander Liddledale, ou plus communément appelé Jamie Liddell. Le duo américain de Crystal Method nous interprétait leur composition High Roller de leur premier album Vegas, paru en 1997. Le duo est d'ailleurs originaire de Las Vegas, dans le Nevada. Précédemment à The Crystal Method, il s'agissait du groupe français Trouble Fête et la chanson Beads of Emerald to Anik H, tirée de leur plus récent album The Black Isles. Nous vous invitons à consulter leur profil Bandcamp pour en découvrir davantage à l'adresse troublefaite.bandcamp.com, troublefaite.bandcamp.com. Et en début de séquence, Jamie Lydell se faisait entendre, avec la chanson New Me de son album Multiply. C'est nul autre que l'artiste Amon Tobin qui entame la prochaine séquence musicale. I'm getting out of this can. Who's gonna push you over the wall? The warden? I ain't going over the wall. Oh, no? No, under it. What, huh? Yeah. A tunnel. Oh, you're nuts. The guards will spot a tunnel and I'll tell you. You gotta have camouflage. I got it all worked out. Thank you. Cette séquence de deux pièces se terminait sur la musique du projet Machine Drum et sa composition Come One, qu'on retrouve sur son album Rooms, paru en 2011. Et avant Machine Drum, nous entendions Amon Tobin et sa pièce Escape, tirée de son deuxième album Permutation, sorti en 1998. Nous conclurons cette transmission 1-3-3 d'Audiomatique avec la musique du producteur anglais Jonah Sharp, mieux connu sous le pseudonyme Space-Time Continuum, de son dernier album Double Fine Zone, paru en 1999. Nous écouterons la pièce Biscuit Face. Le départ des électronistes des ondes analogiques de la radio CFOU 89.1 FM n'est pas une fin en soi, puisque les choix musicaux des électronistes sont accessibles en tout temps et en tout lieu grâce aux univers numériques, ce qui confère aux électronistes une présence inépuisable sur le continuum de l'espace-temps jusqu'à la transmission 1-3-4 qui aura lieu en direct mercredi prochain dès 17h. D'ici là, il s'agit seulement de retrouver notre nano-contribution dans cet univers exponentiel qu'est le cyberespace grâce à nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Sur ces sages paroles, voici Space-Time Continuum et sa composition Biscuit Face. Au plaisir de vous savoir à l'écoute. Thank you.